En sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Mesdames et messieurs, une autre grosse émission. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui nous ont écoutés lors du Radioton de CKIA la fin de semaine passée. Donc, on était là samedi passé de 18 à 19h. Et on a fait la matinée 5h à 8h le matin avec une méchante bonne émission. En tout cas, les gens qui ont raté ça, allez voir sur le site internet. On vous rappelle que Puissance Maximale, donc, est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez voir nos anciennes émissions. On s'excuse en passant, il manque la première heure de l'émission de 3h. C'était la meilleure, en plus. C'est ça, parce qu'il y avait du bruit de bacon au début. Ouais, mais on a mis aussi dans la troisième. Ouais, là, c'est vrai. Mais c'est toujours meilleur la première fois. Ouais, un petit problème technique. On va refaire d'ailleurs, je vais refaire une petite chronique avec monsieur Pierre-Luc Pelletier qu'on avait eu en début d'émission, notre expert en sécurité informatique qui était là. On va refaire sa chronique là, je vais l'appeler, on va s'arranger. On va poster ça sur le site. On vous rappelle aussi d'aller faire un tour sur le ckiafm.org pour aller acheter votre carte de membre pour 2012-2013 pour encourager la station et donc encourager toutes les émissions qui sont diffusées sur le CKIA FM 88. Donc, Puissance Maximale, votre émission préférée de tous les temps. Et sans plus attendre, je vous présente M. Andrew Castegan à la console. Salut Andrew. Bonjour M. Michaud. Là, cette semaine, tu vas nous parler de ce que tu n'as pas eu le temps de nous parler en fin de semaine passée. Tu vas nous parler Minecraft, mais là, c'est pas tant une nouveauté qu'on va faire un récapitulatif. Un petit dossier, voir où est-ce que la franchise est rendue, est-ce qu'elle est toujours aussi populaire qu'à son lancement. Tu sais, dans le fond, où est-ce que ça en est rendu? Là, on va faire un petit tour d'horizon de la franchise Minecraft avec Andrew. Et en plus, aujourd'hui, on a un invité en studio, M. Guy Bergeron, auteur qui va venir nous parler de ce livre. Bonjour Guy. Bonjour, ça va? Ça va bien, ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien, merci. Excellent. On va revoir Guy tout de suite après notre musique de début, là, parce qu'on commence toujours en musique à puissance maximale, comme notre habitude. Et comme on vous a dit la fin de semaine passée, d'ailleurs, j'ai oublié de me présenter, mon nom à moi, c'est Mickaël Michaud, votre animateur. On te connaît, on n'a plus besoin. Vous connaissez ma voix. T'avais un veston, le temps que t'arrives ici, les femmes te l'ont arraché dessus le dos. Et là, voilà, je l'ai perdu et je ne le retrouverai jamais. Ça me surprend qu'il reste la cravate encore. Non, c'est ça. Ben, c'est à cause de la pince. Ah, ouais, okay. C'est ça. Tout est tenu par la pince, la chemise aussi. Et donc, on va commencer en musique. Et comme on vous avait dit en fin de semaine, pendant une chronique, malheureusement, qu'on n'a pas pu récupérer sur la première heure, on vous a parlé du dernier CD d'Angèle Dubois et de la Pietà qui a sorti un CD sur les jeux vidéo qui s'appelle, je pense, musique de jeux vidéo, tout ouais, simplement. Pas mal. Et une des interprétations, principalement violon, donc. Et vous allez entendre, parce que cette semaine est sorti Assassin's Creed 3 sur différentes plateformes. Nous, inquiète au fond, on va vous faire une critique quand nous aurons la chance de mettre notre main sur la copie. Comme on disait, puissance maximale, on aime mieux prendre notre temps avant de faire des critiques et vous parler d'un jeu là, pour bien jouer, pour bien vous parler du contenu, bref, du jeu. Vraiment en profondeur. Et on va commencer finalement avec, je pense que c'est le thème d'Assassin's Creed Revelations. Exactement, interprété par Angèle Dubois. Et la Pietà. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après le thème d'Assassin's Creed Revelations par Angèle Dubeau et La Pietà. Vous aurez la chance d'entendre d'autres musiques de cet album-là tout au long de l'émission. Et on va aller tout de suite avec notre invité en studio, Monsieur Guy Bergeron, auteur de plusieurs séries de, qu'on pourrait dire, fantasy médiévale et aussi de science-fiction. Monsieur Bergeron, bienvenue à Puissance Maximale. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Écoutez, moi, je suis évidemment gamer. Tout le monde sait que je suis un gros amateur de roleplay, autant sur table que sur les jeux vidéo. Donc, c'est sûr que les univers comme ça, ça me parle beaucoup. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture en général, mais surtout l'écriture dans ce genre d'univers-là? OK, du fantastique en particulier. Ouais. Bon, l'écriture m'est venue, je pense, comme plusieurs auteurs à l'origine, c'est la lecture, hein, c'est l'amour de la lecture. J'ai toujours lu beaucoup, beaucoup. Je me suis toujours fasciné par l'imaginaire. Puis c'est drôle que tu dis ça, parce que mon premier roman que j'ai écrit, l'idée de base venait d'une idée, parce qu'avant j'étais un dungeon master, maître de donjon pour Dungeon et Dragon. Là, tu es en train de me dire que tu as réalisé le fantasme de beaucoup de maîtres de jeu de peut-être réaliser côté... mettre en livre un peu... Côté romanesque, là, ouais. des parties... la parties base, écrites, ouais. C'est ça. La base, je te dirais qu'au début, j'avais créé une aventure avec qu'on a joué avec les amis, puis... après ça, suite à ça, les idées se sont développées un petit peu, puis je me disais, ça ferait un bon livre. Ça a dormi pendant plusieurs années, mais le noyau de ça, c'est ce qui a formé mon premier roman et ma première trilogie qui est sortie en 2000, le premier titre en 2006, la trilogie au complet en 2008 ensuite. En 2008, on parle, est-ce que c'est la trilogie de l'Orbe? Exactement, la trilogie de l'Orbe. En fait, le premier tome de la série qui s'appelait L'Orbe et le Croissant était sorti dans une maison d'édition qui, un an après, a fermé ses portes. Donc, j'ai une autre maison d'édition après ça qui m'a récupéré, si je peux dire. Puis, tandis que j'écrive les trois tomes de la série, on a sorti les trois en 2008. Excellent. Et pour, on va commencer par la trilogie de l'Orbe. Il faut, c'est quoi l'histoire? On est dans quel genre d'univers fantasy? On est dans quel environnement? Premièrement, c'est un monde que j'ai créé. C'est un, je voulais pas nécessairement révolutionner le genre du fantastique, du fantasy même, comme on dit. Je voulais plutôt créer une bonne histoire, de quoi qu'ils lisent bien. Fait que c'est un monde que les gens vont se reconnaître dedans un petit peu avec, bon, elfes, nains, dragons, créatures aussi que je crée et tout ça, là, que j'invente. Tout ça dans un monde que j'ai mis en place. J'ai mis ma mythologie en place et tout ça. Mais dans la première série, on va parler surtout d'une quête, en fait, où on voit les bribes, les premières bribes de mon monde, si je peux dire, les premières bases. Puis c'est axé beaucoup sur les personnages, dont un personnage qui est un magicien nécromancien, mais qui casse un petit peu le moule du nécromancien bête, méchant, tout noir, oui. Un petit peu plus teinté. Des personnages plus nuancés que le stéréotype qu'on peut retrouver des fois sur les jeux de rôle. Exactement. Puis les gens m'en reparlent encore beaucoup de ce personnage-là qui les a beaucoup marqués. Il revient d'ailleurs dans un autre de mes romans, celui que tu tiens entre les mains présentement, pour en parler plus celui tard, que j'ai entre les mains d'ailleurs, qui est dans la dernière trilogie, qui je pense qui est sortie, Légende d'Arménis. Légende d'Arménis. En fait, celui-là, c'est pas une trilogie, c'est une série où chaque livre raconte une légende de mon monde. Arménis, c'est le monde que j'ai créé. Fait que c'est pas des livres nécessairement qui suivent. On peut lire un livre de ces légendes-là, de ce monde-là, sans être obligé d'avoir lu la question. Exactement. Dans n'importe quel ordre, sans avoir lu mes autres trilogies avant ou quoi que ce soit, c'est fait pour être indépendant. On retrouve parfois des personnages, mais même si on n'a pas lu avant les autres livres où il était impliqué, ça ne change rien dans l'histoire. Donc, on a là, c'est ça entre les mains, là, j'ai Cœur de givre. Tu nous parlais d'un univers qui n'est pas. Puis c'est correct dans le sens où, des fois, on entend trop souvent des fois des auteurs ou des gens qui disent qu'ils vont révolutionner un genre, tandis qu'on finalement on se retrouve dans exactement ce qu'on peut retrouver ailleurs. C'est difficile d'aller des fois plus loin que des fois l'exemple avec un Tolkien qui est allé vraiment très très loin. Oui. Parce que faut dire que lui c'était sa vie. Oui, on parle d'une exception. Oui, oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de mal justement à utiliser des mondes qui existent déjà puis des façons de faire. Ou des créatures. Là. C'est par ça. Exemple, je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes histoires avec des concepts déjà Tolkien, il n'a pas tout inventé non plus. Hein. C'est venu de la mythologie scandinave, c'est venu un petit peu partout. Mais il y a moyen de faire des bonnes histoires avec des choses qui existent déjà, tout en mettant sa touche aussi, son grain personnel, puis ajouter des petites particularités au monde en inventant des peuples un petit peu particuliers, tout ça. Pour la trilogie de l'Orbe, là, tu nous disais que ça se basait sur une quête. Là. C'est quoi cette quête-là? Finalement, c'est quoi l'histoire de cette trilogie-là? L'histoire, à la base, c'est il y a une organisation de malfaiteurs qui prend le contrôle sur plein de villes et tout ça. Ils entendent parler d'une prophétie qui annonce qu'ils vont être éliminés au complet par une personne. Ils ne savent pas c'est qui. Ils vont se mettre à sa recherche. Parallèlement à ça, on a les gens de la déesse de la justice, de son église. La déesse de la justice s'appelle Libra, là-dedans. Eux aussi vont apprendre l'existence de ce personnage-là qui est voué à un avenir particulier chez eux. Donc, ils vont créer un groupe pour essayer de le trouver avant l'organisation de malfaiteurs. Puis là, il va s'en suivre un chassé-croisé entre les deux organisations avec plein de rencontres en cours de route, un dragon un peu étrange et tout ça. Donc, pas mal d'actions tout le long de la trilogie. Ça va les amener même dans la forêt des elfes où ils vont avoir à élucider un mystère et tout ça. Donc, en gros, c'est vraiment un type quête pour ma première trilogie que j'ai fait. Dans l'ordre d'univers là, qu'on va trouver dans cette trilogie-là, est-ce que c'est vraiment fantasy beaucoup, beaucoup, beaucoup, où il y a beaucoup de magie, où parce que la magie, souvent, c'est ce qui amène le côté fantasy. Est-ce que c'est très présent ou il faut s'attendre à un univers fantasy, mais qui se rapproche beaucoup du quotidien réaliste des personnages? Non, il y a beaucoup de magie. Il y a la magie divine des dieux, il y a la magie des magiciens comme tels. Certains peuples qu'on va trouver là-dedans, que j'ai créés, ont sorti aussi une certaine forme de magie. Mais la magie est toujours au service de l'histoire. C'est pas de la magie pour jeter de la poudre aux yeux. C'est pas des personnages qui sont excessivement forts, comme on a parlé un petit peu tantôt. C'est des personnages quand même relativement réalistes, si je peux dire. Puis ça nous laisse toujours un peu sur notre appétit parce qu'on n'est jamais sûr comment ils vont pouvoir s'en sortir. Ben, finalement, la magie vient prendre sa place dans la réalité sans finalement tout déformer. Là, finalement. C'est ça, exactement. C'est pas le but n'est pas de faire voir le plus d'artifices possible, mais de mettre la magie au service de l'histoire. Parce qu'on disait tantôt, Guy disait qu'on s'en parlait tantôt, mais on parlait hors d'onde des différentes séries qu'on avait lues. Là, moi, je disais que j'avais lu les Dragonlance, qui était encore une de mes séries préférées aujourd'hui. Excellent, c'est excellent. Bien que j'avais moins aimé ce qui était Forgotten Realms, donc le Royaume oublié, parce que justement les personnages étaient, selon moi, trop forts. J'accrochais moins, puis on parlait justement du fameux personnage de Drizzt Do'Urden et aussi de Elminster, sa gang-là. Oui, j'avoue que ça a été dans mes préférés quand même, là, mais bon, ça c'est une question de... Mais c'est vous que... J'avoue que quand j'ai été plus jeune, j'ai plus accroché. Quand je les relu, étant plus vieux, c'est là que j'ai décroché un peu. Mais moi, je trouve ça intéressant justement qu'on vienne camper quand même un côté réaliste pour... Des fois, ça nous accroche plus. Mais c'est sûr, moi, je parle tout le temps du côté lecteur adulte. Quand on était plus jeune, comme je disais, on s'accroche plus facilement au fantastique. L'autre série, là, on en parlait tantôt. Oui, ben il y a la seconde trilogie là, qui vient après ça. Oui, c'est ça. Ensuite, ce qui est venu, c'est la trilogie qui s'appelle L'héritière de Ferolia, où dans celui-là, j'approfondis vraiment plus mon monde. Où au début, je parle même de la création de mon monde, comment que ça s'est fait. J'image aussi mon panthéon des dieux, comment que la Dame Blanche, elle s'appelle la Dame Blanche, l'unité suprême, a créé le monde et ensuite a donné naissance à la première génération de dieux. Puis c'est important pour le reste de l'histoire parce que dans celui-là, dans cette trilogie-là, il y a une petite touche mythologique. On va suivre un petit peu les interactions entre les dieux, leurs chicanes un petit peu entre eux autres, comment ça va se répercuter sur les personnages principaux du livre, qui sont une jeune fille, qui est l'héritière d'un royaume, qui a quitté son royaume très jeune, sa vie était menacée. On la retrouve adolescente, qui est prise d'un mal un petit peu particulier, puis en cherchant une quête, un remède, pardon, à son mal, elle va se retrouver mêlée aux histoires des dieux sans trop savoir pourquoi, puis ça va les suivre pendant toute la trilogie, elle et le compagnon qu'elle se fait en cours de route. C'est toujours intéressant. On le retrouve souvent dans les univers, justement, fantastiques, fantasy, mais c'est toujours intéressant. Moi, je suis un gros fan. Moi, j'ai mon passé académique fait que j'ai étudié, entre autres, tout ce qui est de la Grèce ancienne, tout le côté mythologique. Moi, j'adore ça quand on a une mythologie bien campée dans un univers. Donc là, t'es en train de me dire que je vais beaucoup aimer L'héritière de Ferolia, ouais. Probablement. C'est sûr qu'au début, ça prend une petite période de temps à mettre ça en place, mais ce que j'ai essayé de faire, vous me le direz si j'ai réussi ou pas, ceux qui vont le lire, j'ai essayé de mettre ça pas trop long non plus, pas trop ardu, mais juste se retrouver puis bien camper les dieux, aussi les caractères de chacun des dieux. Parce qu'écrire, finalement, c'est pas juste jeter ses idées sur papier, c'est de les écrire de la bonne façon. Ça soit pas trop lourd, les amener au bon endroit. C'est tout un travail, l'écriture. Ben oui, moi, je compare souvent ça à une chanson parce qu'il faut que ça ait un bon rythme, puis ça monte en crescendo vers la fin et tout ça. Moi, ce que j'ai essayé de faire, parce que je vise un public assez large, moi, ça s'adresse aux ados à partir de 12 ans, mais aux adultes aussi, là, il n'y a pas de limite d'âge. Fait que pour essayer de plaire à la plus grande clientèle possible sans compromis, mais j'ai fait des livres assez rythmés, donc des chapitres assez courts, des descriptions suffisantes qu'on se fasse une bonne idée, mais pas interminables non plus. J'ai pris un vocabulaire aussi pour pas que les adultes s'ennuient trop, là. Excellent. Et finalement, là, moi, la série dont j'ai un exemplaire entre les mains, là, Légende d'Arménis, finalement, là, on va vraiment dans le plus haut, dans le légendaire de ton monde. Ben, ça reste, on dit légende, en fait, c'est des histoires particulières que... Est-ce qu'on les retrouve un peu ailleurs dans la série avant? On en entend parler par d'autres personnages? On va voir des personnages qui ont été impliqués ailleurs, parfois, pas toujours, mais on va les retrouver là-dedans. Donc, il y a déjà un tome de série-là de sortie qui s'appelle Cœur de Givre, qui est paru en 2011, et mon second qui va paraître la semaine prochaine, qui va s'appeler Les âmes perdues. qui est toujours chez la même maison d'édition qui s'appelle Porte-Bonheur. D'ailleurs, on en parle, là, il y a un événement Facebook qui est disponible parce que là, il y a un lancement la semaine prochaine, le 9 novembre à 18h au Pubix ici à Québec, là, qui est direct en face du campus de l'Université Laval. Et c'est un événement gratuit pour les gens qui veulent venir rencontrer Guy, venir parler des livres, voir ce que c'est finalement. Là, ben, évidemment, vous êtes les bienvenus à vous présenter. On a même Andrew là, qui a confirmé sa présence à l'événement. C'est qu'en plus tantôt, là, si ça tape. Ouais. C'est qu'en plus de voir Guy, vous allez avoir la chance de voir notre merveilleux metteur en onde sur place. Et finalement, on parlait hors d'onde tantôt, mais tu as écrit aussi d'autres choses. Tu as écrit de la science-fiction également. Oui, j'ai fait une petite incursion du côté science-fiction l'an dernier. En fait, le livre est paru juste avant le Salon du livre de Québec l'an dernier, donc au printemps passé. C'est des petit livre d'environ 140 pages. C'est une idée qu'avait eu Michel Gilévesque, un autre auteur qui a écrit les Ariel Queen, Wendy Wagner, etc. Une idée de... Il avait écrit des petites nouvelles aussi dans les revues de science-fiction, puis il voulait faire une série avec ça. Puis il en a parlé à des gens, puis on a décidé de faire une série où chacun des tomes de la série va être écrit par un auteur différent. Pas des suites, mais toujours dans le même monde. La série s'appelle « Les clowns vengeurs ». Ça, j'aime le titre. J'ai dit tantôt, mais je le réitère, j'aime le titre. Je vais expliquer un petit peu le contexte, hein, si tu veux, puis les gens se retrouvent. On se retrouve dans un monde futuriste, on ne sait pas si c'est notre monde ou un autre, peu importe. Avec un gouvernement très corrompu, là, je ne fais pas de... Faut pas te parler avec la commission Charbonneau. Non, absolument pas. Et on a un ordre d'assassins qui se déguisent en clowns pour réaliser leur contrat. Ces assassins-là s'opposent au gouvernement légitime qui est en place. Donc ça, c'est la trame de base de tous les romans de la série. Il y en a déjà 5 de parus, 7 bientôt, 2 autres qui s'en viennent. Donc le mien était le premier à paraître avec 2 autres. Il s'appelle Valse Macabre. Dans celui-là, on suit un de ces clowns vengeurs-là qui s'appelle Jordan, qui est un petit peu... Il fait pas juste appliquer ses contrats, les réaliser, il y prend un malin plaisir. Donc il va donner un petit peu dans le sadisme, mais même... un petit peu la torture. Fait que c'est un petit peu noir, un petit peu sombre. C'est pour un public plus vieux un petit peu que mes autres romans. Donc, on dit 14 ans et plus. Ça, c'est une question que... on parlait de réaliste tantôt là, pour la série, pour tes autres séries de livres. Là. Est-ce que, disons, dans l'action... Parce que là, on faut mettre au clair que là, habituellement, dans l'action, dans ce genre de livre-là, ben, y a des batailles, on va se battre à l'épée, à la magie. Oui. Est-ce qu'on a... est-ce que ce côté réaliste-là, où on va prendre conscience, finalement, qu'on là, on vient de tuer quelqu'un, ou ça rejoint un peu souvent la plupart des romans fantasy où ben, y a une victime, c'est la chose, c'est ce qui arrive, ou s'il y a vraiment ce petit côté ben, réalisme plus axé des fois sur l'acte en tant que tel. Dans Valse Macabre, tu parles en particulier? Dans les séries médiévales. Ok, je te dirais qu'il y a un petit peu des deux, là. Généralement. Tout dépendant de la victime? Aussi. Déjà, dans ma première trilogie, ça commence assez rough, là, avec beaucoup de morts. Puis les gens qui vont me lire vont voir que moi... ils ne seront jamais un personnage principal ou pas, s'il va finir le livre ou pas. Là. Ah, ça, c'est intéressant. C'est toujours le fun. Je suis pas le genre à avoir peur là, de faire mourir des personnages principaux s'il faut, pour sauver servir la cause du livre. Excellent. Moi, j'aime ça. Parce que des fois, des personnages intéressants, mais ça enlève un peu le côté... quand on lit là, le petit côté qui fait qu'on veut lire encore, parce que je veux dire, disons, je prends la série Dragonlance parce que c'est une série que je connais beaucoup. Je veux dire, Raistlin à un certain moment, là, surtout à partir de la deuxième trilogie, on sait qu'il peut atteindre un statut quasi même divin là, jusqu'à un certain moment, mais il y a quand même un bout où on, surtout dans la première trilogie en fait, là, quand il est très faible, jusqu'au troisième livre, mais de voir que ces personnages-là sont mortels, c'est plus prenant, je trouve, qu'on... c'est plus immersif comme histoire, puis de savoir justement, il va-tu mourir, qu'est-ce qui va se passer avec lui? On passe par un plus grand éventail d'émotions aussi. On ne sait pas si le personnage principal va sortir vivant ou pas de l'histoire, on a peur pour lui quand on lit. Là. C'est ça, ça lui donne une certaine vulnérabilité, fait qu'on s'y associe plus aussi, ça se rapproche plus de nous. Là. Ce qui est moins le cas des fois, des personnages incorruptibles, comme d'habitude le noble paladin, qu'on va suivre tout au long. Oui, d'ailleurs, ça c'est drôle, parce que dans mon premier livre, l'histoire que je te parlais de Donjons et Dragons, sur laquelle j'avais le petit noyau là, qui avait parti l'histoire. L'histoire était basée sur la dichotomie là, entre le nécromancien et un paladin, justement. Là. Le paladin, je ne l'ai pas mis directement dans le livre, j'ai adouci un petit peu le caractère, là, mais il y a un personnage qui ressemble un petit peu. Fait qu'évidemment, il y a des gros problèmes entre les deux. Là, Ouais, c'est ça, souvent, c'est ça qui devient difficile des fois avec des personnages de jeux de rôle comme ça, parce que souvent, sur table, on va les jouer vraiment stéréotypés, on va les jouer vraiment des caractères bien précis pour... Ben, c'est un peu la dynamique du jeu de rôle. Si on a, disons, le barbare et le magicien, c'est sûr que le barbare va traiter le magicien de feluette. C'est sûr que le magicien va traiter le barbare d'ignorant. Et l'elfe... Je t'ai jamais traité d'ignorant. Non, parce qu'on joue dans une partie où je joue le barbare et il joue le magicien. Okay. Mais moi, j'étais déjà traité de feluette. Ou bien on a la dynamique elfe-nain toujours. On a toujours ces trucs-là. Toujours. C'est toujours le fun. Mais quand on vient pour le transposer justement en roman, souvent, ça devient caricatural. Ouais, j'ai essayé de m'en éloigner un petit peu. Là. Mes livres font pas Donjons et Dragons. Là, tant que ça, loin de là, c'est le noyau qui m'a inspiré dans un monde qui ressemble souvent aux jeux de rôle qu'on joue, mais c'est assez loin quand même. Là. J'essaie d'être pas trop être stéréotypé non plus. Là. Bon, c'est sûr que le nain n'est pas nécessairement bougon et l'elfe n'est pas toujours super adroit non plus. Là. On essaie de briser un petit peu le moule des fois. Là. Excellent. Mais j'aime s'entendre ça. Des auteurs qui vont chercher justement des référents qu'on connaît tous, mais qui vont aller justement dans le différent pour nous faire goûter. Dans le fond, aller chercher le moule puis le casser. Pas toujours, mais un des peu. Fois, de temps en temps. C'est un peu, ou des petites différences. Péter le coin, là, à gauche, là, puis des affaires de même. Là. Ça, c'est le fun. Péter le magané un peu, là. Ouais, c'est ce qui rend ça particulier, un petit peu. Voilà. Ah, écoutez, on parlait avec M. Guy Bergeron de ces séries de livres. On rappelle les noms rapidement. La trilogie de l'Orbe, qui a, donc... Ça le dit, donc trois livres. On a L'Héritière de Ferolia. On a aussi Légende d'Arménis, Cœur de Givre, qui est là, et le prochain qui est Les Âmes Perdues. Les Âmes Perdues qui sort la semaine prochaine, lancement le 9 novembre au Pubix, 18h. Un événement gratuit, un petit verre. Gratuit, prenez une consommation. Et un livre. Là. Et un livre. Allez acheter un livre en même temps. Ils vont être en vente. Oui, il y a des livres-là. Je suis en séance de dédicace. Vers 6h30, je fais une petite allocution. Après ça, je suis en séance de dédicace. Tout le temps. C'est qu'à venir chercher votre livre, parce que de toute façon, c'est le mois de novembre qui commence. Qui dit mois de novembre dit pas mal moins de lumière dehors. Restez donc à la maison, lire un bon livre. En fait, l'hiver, allez acheter toute la collection pour l'hiver. Pourquoi pas? Ben oui. Puis prendre une petite bière avec les jeunes puissances maximales qui vont être présents avec M. Bergeron par littérature. Un rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine, 9 novembre. Merci beaucoup. Un gros merci. Ben, ça fait plaisir. Et on va continuer en musique, M. Castegan. Oui, on va y aller en musique avec une toune qu'on connaît quand même bien. On va y aller avec Angry Birds. Oh oui! Toujours par Angèle Dubois et La Pieta. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après une très bonne entrevue avec M. Guy Bergeron. On vous rappelle d'ailleurs, il m'a laissé ça, on a oublié d'en parler, le Guy Bergeron en un mot.com, son site internet, et allez taper Roman Fantastique dans Facebook pour avec trouver. Des S. Avec des S. Roman au pluriel, Fantastique au pluriel, pour aller le retrouver sur Facebook et l'encourager, poser des questions, l'inviter à des événements avec ses livres. Écoutez, lâchez-vous lousse. Donc voilà, on va de toute façon on vous rappelle. C'est un produit de chez nous, faut l'encourager. Et voilà. Puis en plus, moi, d'après ce que moi j'en ai, malheureusement, j'avais pas le temps de lire le livre avant l'entrevue. Il m'en a laissé un que je vais sûrement dévorer parce que j'en. D'après ce qu'il me disait, là, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais essayer d'être au lancement aussi. Le revoir, là, puis reparler de littérature, parce que vous savez, mesdames et messieurs, ma formation académique est en littérature, donc moi, j'adore parler livres avec des invités comme ça, surtout des invités passionnés côté littérature et surtout fantasy. Et après cette lancée dithyrambique, on va aller vers M. Andrew Castagan et son dossier Minecraft qu'on n'avait pas pu parler lors de l'émission de dimanche. Mais là, on est là, M. Andrew, pour toi. Et on va faire un survol de la franchise. Oui, ben une prise 2, comme on dit. Je voulais faire un petit retour sur Minecraft. Je sais qu'on en a parlé beaucoup. On en avait parlé lors du lancement. Il y avait Guillaume Foran, qui est toujours, mais moins régulier chroniqueur de Puissance Maximale. Et je voulais faire un point, dire, dans le fond, Minecraft, est-ce que c'est toujours un jeu qui vaut la peine pour l'achat? Est-ce que c'est... est-ce que le hype est toujours là, si vous me permettez le terme? Et je vous dirais que Minecraft, depuis septembre 2010, ça a quand même fait pas mal d'évolutions, parce qu'à savoir que Minecraft est sorti en septembre 2010. Et premièrement, chose à savoir, Minecraft... Ça a été longtemps un bêta, en fait. Juste pour vous donner une idée, le 12 janvier 2011, soit un mois après avoir atteint le bêta, le jeu avait déjà atteint 1 million de ventes. Donc, c'est quand même un bon nombre. Et je vous dirais que ça a continué de croître à chaque mise à jour. Ça donne un bon coup de pouce à un studio indépendant. Exactement. Je vous dirais en fait que Notch, le créateur du jeu, il est multimillionnaire grâce à ce jeu-là. Mais n'empêche que il l'a dit, c'est pas le principe qu'il y ait tout plein de bidoux qui va l'empêcher de sortir des mises à jour pour le jeu comme il l'a promis. Il y a d'autres projets. Il y a un jeu de stratégie qui s'appelle Scrolls qui s'en vient. On va s'en rappeler, on en avait parlé. Oui, Scrolls qui avait déchaîné les passions du côté de Bethesda là, qui ont voulu poursuivre Mojang Studios pour le nom Scrolls, pour l'utilisation du monde à cause que les autres, leur série s'appelle Elder Scrolls. C'est ça, puis finalement, ça s'était arrangé hors cours et tout le kit. Un autre jeu que je me rappelle plus le nom parce que c'est un espèce de nom à coucher dehors qui est un genre de jeu science-fiction qui n'a pas eu de détails encore énormément dessus, que Notch dit que c'est son projet personnel à lui. C'est le seul qui travaille dessus. Donc, est-ce que ça va être un Minecraft sci-fi? Je le sais pas. Il n'y a pas eu de détails, mais tu sais, ça risque quand même d'être intéressant. Et je vous dirais, Minecraft, mettons qu'on parle le 1er novembre 2012. C'est aujourd'hui, ça? T'sais, aujourd'hui, on est rendu où avec Minecraft? Y a combien de personnes qui ont acheté le jeu version PC? Parce qu'il faut savoir que le jeu a quand même eu une tangente portable sur les téléphones, iOS et Android. iOS, c'est les iPhones, pour les gens qui ne le savaient pas. Et il y a eu la version Xbox 360. À l'heure actuelle, je vous dirais que Minecraft sur PC est rendu à 7 893 986 personnes qui ont acheté le jeu. Donc, tu sais, je vous dirais que c'est quand même... À 20$ la licence, ça fait beaucoup d'argent. T'sais, c'est quand même pas si pire. Puis juste pour vous donner une idée, en moyenne, en 24 heures, ils vendent 7732 autres licences à chaque jour, aux 24 heures. Donc, tu sais, c'est une franchise qui est encore... Très populaire. Très populaire dans le vent, je vous dirais. Puis tellement que je vous dirais que j'ai fait le saut. Je voulais en parler justement la semaine dernière. J'en ai parlé avec Michael hors d'onde. C'est rendu que même des gros studios de jeux vidéo qui ont commencé à faire des stunts, tu sais, des petits coups publicitaires dans le fond, dans Minecraft. Parce qu'en fait, il y a eu GameSpot, autre site de nouvelles qu'on va souvent regarder là, dans le fond, là, Les nouvelles, excusez-moi. Dans le fond, qui avait sorti la nouvelle comme « Hey, on a joué à Far Cry 3 », des jeux à savoir qui est pas sorti encore, il sort au début décembre. Et il disait on avait joué à Minecraft 3, pas Minecraft 3, mais Far Cry 3. Puis il avait fait une vidéo Let's Play, puis finalement, c'était un texture pack et des missions que Ubisoft avait réellement fait avec le moteur de Minecraft pour puis gratuit qu'on pouvait télécharger puis ainsi modifier le jeu, le menu, les environnements pour faire un coup publicitaire de Far Cry. Et ça, je trouve que c'est quand même bien. Je vous dirais, c'est efficace. Ça rajoute du contenu en même temps pour un jeu. C'est gratuit. Puis en même temps, ça annonce leur jeu. Est-ce que c'est une pratique que d'autres compagnies vont prendre? Je l'espère. C'est une communauté quand même, Minecraft, qui va évoluer. Assez grosse, moi. Fait que déjà très grosse. Puis... Mais je sais pas, c'est un fait, tu étais seulement sur PC? Non, Xbox 360 aussi. Ah, cool. Parce que chose à savoir, c'est que présentement, juste pour vous donner une idée, Minecraft est rendu à sa version 1.4.2, qui appelle, dans le fond, la Pretty Scary Update, qui ont sorti pour l'Halloween. Je vous dirais, ça a fait un bout de chemin. Au début, là, Minecraft, c'était un jeu où vous preniez des cubes, construisiez des choses. Après ça, ils ont rajouté un mode, ils ont rajouté des monstres qui sortaient la nuit. Après ça, ils ont rajouté un mode survie où là, on avait vraiment une barre de vie, de l'expérience, des choses comme ça. Après ça, ils ont rajouté la fin. Après ça, ils ont rajouté... Parce que oui, il y a une fin à Minecraft. Oui, ben c'est ça. Mais t'sais, je parlais de la fin point de vue manger, là. OK, mais moi, je parlais... Mais la fin est venue beaucoup plus tard. Mais oui, il y a eu une fin qui s'est rajoutée à Minecraft. Il y a eu des villages, il y a eu des NPC. Ils ont mis un système économique avec les NPC. NPC qui est genre des personnages non-joueurs, dans le fond. Les non-playable characters. Et puis t'sais, le jeu est bien vivant, là. T'sais, il y a encore beaucoup de mises à jour, beaucoup de contenu qui se rajoute. Il y a eu la possibilité de se faire des serveurs multijoueurs qui a été rajouté. Des aventures, des donjons, le Nether, qui est comme les enfers. Un monde parallèle. De Dien, qui est le monde où la fin se trouve. Il travaille aussi sur un univers dans les airs. T'es comme l'équivalent, l'inverse du Nether, qui serait comme un peu le paradis. Donc, tu sais, c'est très actif, là. T'es, on se le cachera pas. Et suite à la popularité là, de la version PC, il y a eu la version Pocket qui est sortie. Qui est de la ça, version... Je suis un petit peu moins convaincu. Je l'avais sur mon Xperia Play, là. C'est fun, là, à gosser comme ça, mais on peut pas faire des projets comme sur PC, là. C'est vraiment pas le fun à jouer, là. Non, ben c'est ça. En fait, juste pour vous donner une idée, le jeu est quand même... La version Pocket est sortie le 16 août 2011. Donc, ça fait quand même un peu plus d'un an. Et le jeu est encore à sa version... 0.4. Donc, on parle même pas de la version release. C'est oui, encore une bêta. Ouais. Et juste pour vous donner une idée, la dernière version est sortie le 6 septembre 2012 et ils viennent de mettre des monstres. Ouais, c'est ça, quand moi, parce que ça fait longtemps que j'arrêtais de jouer sa version Pocket, là. Il y avait rien. C'était en mode créatif. On faisait ce qu'on voulait. Exactement. Mais, tu sais, faut savoir aussi les téléphones, malgré tout, qu'est-ce qu'on pense, que le monde, ils ont un petit peu peur, entre guillemets. Ils disent, les téléphones, ils vont remplacer les consoles, puis des choses comme ça. Oui, OK. Les téléphones deviennent de plus en plus forts, mais ça reste que c'est un téléphone. Et il va toujours avoir un aspect limitation, et c'est la mémoire. Un téléphone, ça a moins de mémoire qu'une console. Pour ceux qui ne le savaient pas, là. Fait que tant aussi longtemps que les téléphones vont avoir ce facteur-là, ils pourront jamais faire un jeu comme Minecraft sur PC sur un téléphone. Fait que si à un moment donné, vous avez espoir de vous dire « Ah, je vais voir exactement Minecraft comme sur mon ordinateur sur votre téléphone », oubliez ça. Oubliez ça tout de suite, ça arrivera jamais. Et même beau que Notch, ils vont mettre tous les efforts qu'ils veulent avec la technologie des téléphones actuels. C'est impossible. Moi, c'est ça, actuellement, là, dans 10 ans. C'est ça, t'es. Un petit téléphone, ça va être télépéthie. C'est ça, exactement. Mais t'es, ça arrivera pas. Ça arrivera pas tant aussi longtemps que ça n'aura pas été changé. Puis probablement que c'est ça qui ralentit le développement des mises à jour de la version Pocket, parce que peut-être que c'est un petit peu trop dur. Mm-hmm. Enfin, je me rappelle. Parce que ça reste c'est des grosses maps, là, Minecraft. C'est ça, mais je me rappelle, je faisais juste jouer à la version où il n'y avait même pas de monstre. C'était en mode créatif, puis le téléphone avait le goût de me brûler les doigts parce qu'il était en train de dire je meurs, tuez-moi. Fait que ça donne une idée, puis toi, en plus d'un téléphone de jeu, ouais. L'Xperia Play, puis de mémoire, il chauffait quand même pas pire avec Minecraft, le tien, là. Oui, c'était pas un problème. Ouais, non, c'était chauffé, ça, c'était pas un problème pour ce téléphone-là, en général. Mais non, sur la. C'est vraiment. C'est la prise en main là, qui est un problème. Là. C'est vraiment le gameplay avec le touchscreen. Puis moi, en plus, j'avais les touches, là. J'ai pu corriger. Parce que sur l'Xperia Play, on rappelle qu'il y a une manette, là. À place d'avoir un clavier, quand on va pousser le téléphone vers le haut, ben j'ai une manette de jeu. Je pouvais configurer mes touches, mais même à ça, c'était. Parce qu'il y avait une version spéciale pour l'Xperia Play. Puis même avec ça, là, ça tenait. Mais les petits joysticks analogues touchpad, là, ils répondaient bien. Pas mal la seule affaire qui était le fun. Mais sinon, on mentira pas que Mojang, le gros projet qu'il avait, dans le fond, c'était pas tant la version Pocket que la grosse annonce qu'il avait faite au E3, là, okay, je pense que c'était pas l'année passée, l'autre année d'avant, qui était, dans le fond, l'arrivée de Minecraft sur la Xbox 360. Et qui est la console la plus populaire, je crois, surtout dans, chez les gamers, chez les hardcore gamers. Ben, en fait, la Xbox 360 a quand même un bon succès en Europe, quand même. Sinon, en Amérique... Mais bon, que tous les Sony fanboys disent que c'est la PS3, faut aller à l'évidence, là. Et pour une PS3 dans une maison, il y en a souvent deux Xbox. Ouais. T'sais, c'est moins cher, puis t'sais, c'est la console familiale qui peut satisfaire un hardcore gamer. On en a déjà parlé, là, de toute façon, là. À moins que la Wii U change la balance, là. Mais ça, on va voir à son lancement. Mais sinon, juste pour vous donner une idée, la version Xbox 360, dans les premières 24 heures de sa sortie, avait réussi à briser tous les records de vente. Là, dans le fond, sur le market, il avait atteint le million de copies vendues en moins de 24 heures. Ça, c'est assez impressionnant. Ça. Ça a même battu la version PC. Là. C'est pas compliqué. Là. Puis en plus... Il y a plus de monde en ligne sur Xbox Live qui joue à Minecraft que Call of Duty. Moi, personnellement... Là, ça, c'est un victoire. On parle en permanence d'approximativement 400 000 joueurs sur Minecraft. Ce qui est le fun d'entendre ça, c'est que c'est un jeu créatif. C'est pas juste une histoire d'aller tirer sur d'autres mondes puis de crier « Noob » dans le micro. C'est une histoire de création. On va se forcer. Moi, je trouve que c'est un jeu très stimulant. Il y a des serveurs aussi. Il y a du monde qui font du combat. Là, t'es joueur contre joueur. Le jeu est capable de le faire, mais c'est pas l'élément principal du jeu. C'est plus dans un aspect de coopération. Construire des forteresses à la gang, puis se battre contre les... Satanic Creeper. On peut dire un autre mot, là, mais effectivement, les Creepers, ça en fait sacrer plus qu'un. Surtout quand tu commences avec des petites maisons en terre cuite là, ou en terre battue, puis qui vient exploser à côté de chez vous. Là. Non, mais... c'est effectivement. Mais tu sais, juste pour vous donner une idée, le jeu est sorti sur Xbox Live Arcade en mai 2012. Ça fait pas si longtemps que ça. Et le jeu avait déjà atteint le 3 millions de ventes en juillet 2012. T'es malade. Donc, tu sais, c'est fou. Tu vois combien il vaut, par exemple, sur l'Xbox Live? Il valait... Parce que la clé... Je pense que c'est 1600 points. Ah, moi, j'ai pas d'Xbox, donc je sais pas c'est quoi l'équivalence en bidou. Parce que je sais qu'en en piastres, ça faisait à peu près 20 piastres pour le PC, je pense, la clé d'activation là, pour la clé de la licence en anglais, c'était 20$. C'était 15$ en bêta, ça montait à 20$ quand il est tombé release, là, dans le fond. Là. Mais c'est 1600 points qui équivaut à 20$ aussi. Bon, ça change pas à ce niveau-là. En plus, avec la Xbox, les gens qui ont eu la chance, en tout cas, ceux qui ont décidé de s'acheter un Kinect, il y a eu des... Oui, certains contrôles. C'est pas le... pas le plus hot, là, mais t'es, c'est... Moi, de toute façon, ça, c'est comme la Kinect en général, là. C'est le fun de 5 minutes. Ça rajoute des petites affaires. Mais t'es, je vous dirais vraiment, la version actuellement qui est la favorite, c'est la Xbox, pour plusieurs raisons. Premièrement, les mises à jour, présentement, ça y va à fond la caisse, là. T'es, des mises à jour sur PC actuellement, là, on peut passer 4-5 mois sans avoir aucune mise à jour. Et juste pour vous donner une idée, au Xbox, ils font des mises à jour aux 2 mois, à peu près. Puis on parle pas de petites mises à jour, là. Faut dire que la version Xbox est plus récente que la PC. Là. Je veux dire que ça se peut qu'il y ait plus de mises à jour, qu'il y ait besoin de faire des mises à jour pour que le jeu ouais, soit aussi plus stable. Mais on parle quand même de beaucoup de grosses mises à jour. Je vous dirais, là, le 9 mai 2012, le jeu est sorti en version 1.0, qui était une bêta, dans le fond. Première des choses, on peut jouer à 4 joueurs localement sur la même console, ça, à condition cool. d'avoir un branchement HD sur la TV. Si vous n'avez pas du HD, vous n'allez pas être capable de jouer en multi localement. Le split screen, ça fait pas? Non, exactement. Il y avait eu un léger scandale là-dessus. Au lancement. Ah oui, on en avait parlé à l'émission, je me rappelle. Exactement. Vous pouvez jouer jusqu'à 8 joueurs en ligne. Le système de crafting, il y avait les recettes dans le menu. Donc, on n'avait pas besoin d'aller sur une page wiki ou quelque chose comme ça, comme on fait sur PC. Donc, l'inventaire était simplifié et le jeu était sorti immédiatement en version survival, avec les monstres et tout ça. Ils n'ont pas passé par le mode créatif. Je vous dirais, le mode créatif a été rajouté le 16 octobre. Donc, tu sais, c'est... Ah, c'est ça, c'est direct en survival, mais dans le sens, même pas avec l'option créative. Non, là, c'est ça. Ah, okay, je pensais qu'il y avait les deux. Ils ont vraiment sauté l'étape. Puis en même temps, je vous dirais là, que les graphiques sur Xbox sont beaucoup plus beaux. Malgré que c'est des cubes pareils, ça reste des pixels, mais tu sais, la résolution HD que la console donne a un plus beau fini, dans le fond, là, que qu'est-ce que la version PC fait. C'est sûr que la version PC, on peut changer le jeu, on peut le modder, un peu comme Skyrim. Mais t'sais, le rendu original, là, t'sais, vanille, comme on appelle en informatique, est plus beau sur la Xbox que sur la Xbox que le PC. Je me demande, sur PC, on sait qu'il y a des mods qui sont pas disponibles. Est-ce qu'il y a une grosse, dont on parle souvent des mods quand on parle de Skyrim puis de Elder Scrolls, de Bethesda en général, est-ce qu'il y a une grosse communauté, est-ce que les joueurs peuvent modder, si on peut dire ça comme ça? Mais la version Xbox, non. La version Xbox, avec la dernière mise à jour qu'on fait en octobre, par exemple, ils ont l'air d'ouvrir la porte. Parce qu'ils ont ouvert le contenu, ils ont ouvert les portes pour les skins. Donc, pouvoir changer les personnages. Ubisoft, d'ailleurs, en ont profité pour sortir leurs skins à eux autres. Est-ce qu'ils vont ouvrir la porte aux joueurs? Je trouvais que ce serait une bonne idée parce qu'il y a quand même un marché de indie game. Il y a des gens qui peuvent faire leur propre jeu qu'ils sortent sur Xbox. Fait que je me dis, pourquoi pas du contenu pour Minecraft? Ça serait peut-être intéressant. Mais tu sais, Mojang a toujours été ouvert au modage. Fait que je me dis, est-ce qu'ils vont faire une demande? Mais pour le PC, la communauté est-tu grosse? Elle est très grosse, en fait. Ah ouais? Beaucoup plus. On peut bien capoter sur Skyrim Nexus. Là, le site est beau, tout ça, mais faites une recherche de Minecraft Bucket. C'est fou. Ah ouais. C'est impossible que vous fassiez le tour. On peut trouver des modes, genre des skins HD, des trucs. Il y a les skins HD, mais en même temps, il y a vraiment des systèmes de roleplay. Si ça vous tente de vous faire un pur RPG avec des quêtes, il y a des modes pour ça. Je vous dirais, il y a même des modes pour mettre des systèmes économiques vraiment plus élaborés avec de l'argent, où quand vous minez, vous récoltez un salaire, puis avec ça, vous pouvez acheter des choses, rajouter des items, racheter des nouvelles zones. Comme le fameux paradis que je parlais là, Mojang a le goût de faire ça suite à quelqu'un qui a fait un mod qui vous permettait d'avoir ça. Sinon, pour aller dans le Nether, le genre d'enfer, ça prend un portail, mais il n'y a pas vraiment de portail de téléportation pour se promener sur le monde de Minecraft. Il y a un mod qui rajoute ça. T'es toutes ces petites affaires-là. Je vous dirais, la communauté de Minecraft est quand même très, très grosse. Puis, en fait, on a même fait un spécial de musique de Minecraft. Oui. Je vous dirais, le hype... il est encore là, je vous dirais. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Non, tu vas pas chanter ça au complet, toi. Ce n'est qu'un début. Mais bref, tout ça pour dire que Minecraft, est-ce qu'il vaut le 20$ malgré tout ce temps-là? Je vous dirais, il vaudrait probablement même le 40$. Ouais, ben moi, on l'avait, moi, Pienroux. Moi, ça fait vraiment un bout que j'ai pas joué, mais ça vaut pour 20$, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un jeu... C'est un jeu stimulant. Il y a, en plus, avec les mods, là, on a vraiment beaucoup de possibilités. Là, ça vaut la peine. Là. Il y en a qui vont décrocher à cause du côté cubique. Mais c'est ça qui fait son charme, en fait. C'est ce petit côté rétro-là. Moi, j'ai beaucoup aimé Minecraft, personnellement. C'est ça. Puis en même temps, je vous dirais, si vous avez une Xbox 360, probablement les deux, parce que la tangente Xbox a l'air de prendre peut-être une tournure que la version PC a jamais pris. Elle a de l'air, d'après les mises à jour que je vois, elle a vraiment de l'air de vouloir s'axer là aventure, là. Fait que t'es peut-être qu'il va y avoir des packs aventure que la version PC a pas eu, puisque la version PC, comme je dis, la section mode est très très forte, puis il y en a des mods qui rajoutent ces aventures-là. Fait que t'es peut-être que Mojang, ça ils leur vont moins travailler à ce moins travailler à ce niveau-là. Ils vont mettre le stock, les outils, mais ils vont laisser les joueurs créer leur matériel, tandis qu'Xbox, par principe de limitation des plateformes de distribution, à mon avis, ils vont peut-être plus s'axer là-dessus parce qu'ils font vraiment des grosses mises à jour où ils rajoutent des armures, des choses qu'on n'a pas sur la version PC, que les autres sont vraiment en train de bûcher pour rajouter là, dans le fond, là, dans la version Xbox 360. Enfin, je vous dirais, si vous avez 40$, les deux copies peuvent valoir la peine. Et nous, ils n'auraient pas la même expérience de jeu de toute façon sur PC et Xbox. Excellent. Hey, merci beaucoup, Andrew Castegan, d'avoir fait un survol comme ça de la franchise à Minecraft. Donc, pour les amateurs, tapez Minecraft sur Internet et ceux qui ont Xbox, allez vous chercher ça. Donc, un 20$ par licence pour un excellent jeu créatif et qui peut aller au-delà justement de la création et du petit cube pixelisé. Donc, c'est un achat selon l'équipe de Puissance Maximale. Et Andrew, on va terminer l'émission en allant en musique une dernière fois. Oui, mais on ne pourra pas l'écouter au complet. Parce que les chansons sont quand même assez longues. Sont quand même longues, mais on va te faire plaisir. Chrono Trigger et Chrono Cross, Interprété par la même personne encore une Angèle Dubois et La Pietà. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, déjà la fin, mesdames et messieurs, de Puissance Maximale avec cette excellente version de Chrono Cross et Chrono Trigger par Angèle Dubois et La Pietà. Allez vous chercher ça en magasin. C'est des très bonnes chansons, des belles interprétations. Et on a monsieur François G. Couillard avec nous pour vous saluer pour la fin. Et oui, oui. Et là, François va nous parler de. Il va nous présenter son émission, Le Cercle Aquatique Magique, tout de suite après Puissance Maximale, une autre émission déjantée. Ben oui, es-tu au courant que Gabriel Nadeau-Dubois risque un an de prison au maximum? Il a perdu son procès, oui. Alors, on va avoir un thème là-dessus. On va parler de prison aujourd'hui. Excellent. Un thème carcéral avec M. François G. Couillard au Cercle Aquatique Magique. Tout de suite, après Puissance Maximale, restez à l'écoute. Et pour nous, c'est déjà la fin. On voudrait remercier M. Guy Bergeron qui était là pour nous parler de ses nombreux livres. On vous invite à vous présenter le 9 novembre prochain au Pubix 18h pour son lancement de son prochain. Et allez sur le site internet guybergeron.com et sur la page Facebook Roman Fantastique au pluriel, les deux, pour le retrouver, l'encourager et acheter de ses livres. Et merci à M. Andrew Castegan qui est à la console, fidèle comme à chaque semaine. Merci Andrew. Un plaisir. Regardez votre 40$ pour acheter les deux jeux. Pour aller acheter Minecraft. Merci pour ta chronique. Et mon ami Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là à chaque semaine. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions, podcasts et autres trucs ludiques. Les nouvelles qui sont postées également, entre autres, par M. François G. Couillard. Merci François d'être assidu sur les nouvelles sur le site. Et aussi le Facebook, allez taper ça dans la barre de recherche. Puissance Maximale, allez peser sur le petit bouton j'aime parce que nous, on vous aime. Parce qu'on. Ça, il faut vous aimer. Si vous nous aimez, on va vous aimer en retour. En plus, c'est donnant-donnant. Et qui ne voudrait pas d'amour? Et on vous rappelle d'aller sur le CKIAFM.org pour aller acheter votre carte de membre de CKIA. Un 20$ bien placé pour encourager un micro. Dans ce cas-là, gardez 60$. Ouais, c'est ça. 40$ pour Minecraft et 20$ pour CKIA. Encourager un micro libre à Québec, de la musique différente, des propos différents. Et. Puissance Maximale. Allez dépenser tout votre bel argent pour nous, mesdames et messieurs. Alors, on vous remercie et, comme à chaque semaine, on vous souhaite une excellente semaine de jeu. All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day.